laissez nous dans la cassette. Je suis allé les bleus. Orly bonjour, l'éther bonsoir. Merci beaucoup madame. Avec un jour de foie gras, je me lisais à tout le monde. Le Bonaparte, arc de triomphe, il est mon équipe. Le petit parc où c'est art. Le petit parcours is not un sport de femme, c'est un sport de mâche.